Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, 107 MHz, l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, seront abordés différents thèmes sous forme d'enregistrements que j'ai picorés ici et là. Alors, il y aura la symphonie du vivant sur l'épigénétique, en 23 minutes. Ah oui, c'est un sujet quand même assez long, hein, ça vaut la peine. Appel à la grève illimitée, là c'est un enregistrement déjà assez ancien. Ce n'est plus d'actualité vraiment, mais un peu quand même, si on veut bien lire entre les lignes, voilà. Alors ensuite, on aura un petit discours de Jean-Luc Mélenchon sur la Renaissance, les Lumières et l'obscurantisme. Hein? Voilà, bah oui, c'est un philosophe, donc il fait de la politique et de la philosophie, en même temps, les deux. Le Liban, un pays sous influence, alors là c'est l'émission de la télé Le Dessous des Cartes, qui arrive assez régulièrement sur Arte, c'est une des meilleures émissions d'Arte, à mon avis. Hein? Ensuite, qui est Abdelaziz Bouteflika, 2 minutes 11. Bon, voilà, c'est un document de l'INA, un document déjà bien ancien, qui montre la distance parcourue par un homme politique lorsqu'il arrive aux affaires, comme dirait l'autre, et puis jusqu'au moment où il s'en va, contraint et forcé par l'âge, la maladie ou les électeurs qui le chassent. Hein. Là, c'est un peu les deux. Ensuite, Raphaël Glucksmann, le sauveur de la gauche. Eh oui, vous avez bien entendu, Raphaël Glucksmann, le sauveur de la gauche. Bon, c'est une plaisanterie de Charline, hein. Charline Vanhoenacker. Hein. Ensuite, Adrien Quatennens, 400 000 Grecs ont été poussés dehors. Nous avons sur ce plateau quelques torts. Ensuite, LFI, grand débat. Grand blabla. Le grand débat, c'est un grand blabla. Grand débat, grand blabla. Débat, le fameux débat. Qui a tiré son épingle du jeu? Bon, c'est pas trop long, hein, 1 minute 30. Alors, voilà. La conclusion d'Adrien Quatennens, 1 minute 15. Et puis, Stanislas Guérini et Adrien Quatennens s'écharpent sur l'ISF. Ensuite, une petite revue de presse, quelques minutes, d'une dizaine de minutes. Léo Ferré, calendrier du 14-12, le calendrier. Hein. On va. Histoire de la peine de mort en France, INA, document INA, toujours. Institut national de l'audiovisuel, ils ont plein de bonnes choses qui valent la peine d'être sorties des tiroirs, sorties de la naphtaline et réutilisées. Voilà. Ensuite, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute. Calendrier des esclavages et des libérations du 14 avril. Le 14 avril 1525 en Allemagne, ce vendredi saint, 7000 paysans du bas Allgäu sont battus à Wurzach, vu leur manque d'expérience militaire. Eh oui, chacun son métier, bien sûr. 1525, France, Erasmus Gerber, un serf de l'évêque de Strasbourg, constitue avec les habitants de la région de Dorlisheim un conseil de paysans. Tiens, les évêques avaient des serfs, avaient des esclaves. Tiens. C'est bizarre ça. J'ai du mal à le croire. Hein? Qu'en pensez-vous? 1834, France. À Paris, le massacre des insurgés culmine à la rue Transnonain. Cette révolte est un des rares événements du siècle où ouvriers et républicains se battent coude à coude. 1854, Grande-Bretagne. À Manchester, mort de John Doherty, 1798-1854. Émigré irlandais, ouvrier fileur, un des pionniers du syndicalisme en Grande-Bretagne. 1865, USA. Le matin, le président Lincoln, héros de l'anti-esclavagisme, appel à la réconciliation suite à la guerre de sécession. Pas question que l'on pende les rebelles. Assez de vies humaines ont été sacrifiées comme cela. Le soir au théâtre, il est assassiné par un sudiste fanatique. Comme quoi les fanatiques, les imbéciles, les abrutis, les assassins, les connards, bah oui, il faut quand même les éliminer. Ah bah oui, et sinon on subit leur action longtemps, toujours même. 1909, France, à Méru, près de 6000 personnes se rassemblent pour un meeting. Les maçons, les verriers, les peintres et se solidarisent avec les grévistes. « Vous êtes des ouvriers avant d'être des citoyens », dit Niel de la CGT. 1913, Belgique, grève générale pour le suffrage universel. 1919, Espagne, victoire des grévistes de Catalogne. 1919, Russie, dans une interview donnée au correspondant de la Frankfurter Zeitung, Lénine avoue que son désir d'une révolution mondiale après la révolte communiste était un leurre. Elle aurait lieu au plus tôt dans 10 ans. 1921, Grande-Bretagne. Le conflit des mineurs se durcit. Les propriétaires ne veulent entendre parler que de salaire. Les mineurs veulent aussi parler de la répartition nationale des profits. Le soir, suite à des pressions, la situation se dégrade pour les grévistes. 1931, Espagne. Proclamation de la Deuxième République d'Espagne. En ce jour de printemps, la nature et l'histoire semblaient s'unir pour une claire légende anticipée ou un roman enfantin. Signé Antonio Machado. 1973, Suède. La Suède est le premier pays à protéger, par une loi, l'individu contre les méfaits de l'informatique, en 1973. 1977, France. Opération Thionville, ville morte. Suite à l'annonce de la suppression de 16 000 emplois en sidérurgie. 16 000 emplois en sidérurgie ont supprimé en 1977. Alors il ne faut pas s'étonner qu'en 2019, on est 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs comme en Allemagne en 1932. Vous connaissez la suite. 1978, Inde. Dans le nord-ouest de l'Uttar Pradesh, les forces de l'ordre ouvrent le feu sur une manifestation pacifique d'ouvriers agricoles réclamant de meilleures conditions de travail. Il y aurait 150 à 200 morts. Ce n'est qu'un épisode d'une série de répressions contre ouvriers et paysans. Une série de répressions contre ouvriers et paysans. C'est pas en France, en 2019, sous le règne de Emmanuel Ier, qu'on verrait des choses pareilles, bien sûr. Bien sûr. Encore que. 1979, Libéria. Révolte à Monrovia contre la classe dirigeante libéro-américaine. Les chars et les fantassins interviennent. 29 morts et 360 blessés. Avril. 15 avril 1525, en Allemagne. Ce samedi saint, près de Weingarten, les paysans révoltés du lac de Constance, quelques 12 000 hommes, font face au sénéchal qui ne dispose que de 1 500 cavaliers et de 7 000 fantassins. Pour éviter de confronter l'armée populaire la plus forte de la guerre des paysans, le sénéchal propose un accord entre les paysans et les troupes féodales. Eh oui, accord entre les paysans et les troupes féodales. Pas mal quand même, hein. Et c'était en 1525, c'était pas en 2019, hein. 1532, Italie. Exécution de Michael Gaspard à Venise. Le dernier chef de la guerre des paysans disparaît. 1594, France. À Atur, près de Périgueux, 15 000 paysans se réunissent. Ils marchent sur le château de Grignoles, qui sera investi après 5 jours. 1834, France. À Lyon, l'insurrection est terminée. La ville est de nouveau soumise à l'ordre des négociants, de l'armée et du gouvernement. Tiens, les négociants, l'armée, le gouvernement, ensemble. 2019, c'est pas comme ça. 2 souscriptions sont faites dans les quartiers riches. Celle en faveur des soldats blessés rapporte 150 000 francs. Celle en faveur des victimes innocentes rapporte 30 000 francs. Thiers va organiser la répression judiciaire. Thiers, qui a des rues à son nom un peu partout. Eh oui, et que les bourgeois maintiennent à tout prix. Ah oui, les rues Thiers, on y tient. On y tient, sa rue Thiers. 1848, France. Parution du premier numéro de l'ère nouvelle, lancé par Lacordaire, l'abbé Mallet et Ozanam. C'est le premier journal français démocrate chrétien, une expression du catholicisme social. Vous entendez ça? Catholicisme social. Normalement, ce sont deux termes qui devraient bien aller ensemble, mais l'histoire montre que les dés sont un peu pipés. Mais les réactions ne tardent pas. Veuillot dans l'univers affirme sans broncher, la société a besoin d'esclaves. La société a besoin d'esclaves. Il est nécessaire qu'il y ait des hommes qui travaillent beaucoup et qui vivent chétivement. La misère est la loi d'une partie de la société. C'est la loi de Dieu à laquelle il faut se soumettre. C'est la loi de Dieu à laquelle il faut se soumettre. Gonflé le mec, hein. Ben oui. Bon, ben il n'est pas le seul. 1871, Suisse. Les participants à un meeting à Genève envoient un message de solidarité à la Commune de Paris. Quoi qu'il arrive, frères et sœurs de Paris, votre œuvre ne périra pas. 1921, Grande-Bretagne. Les syndicats de transporteurs et de cheminots, qui devaient s'associer à la grève des mineurs, annulent leur mouvement de solidarité. La Triple Alliance éclate. Ce vendredi noir marque le début de la régression des luttes syndicales d'après-guerre. Les mineurs continueront à se battre seuls pendant 11 semaines. Voilà déjà courageux. Ce qui n'était pas le cas d'un certain nombre d'autres. Mais bon, rien n'a changé de ce côté-là. Les gens courageux représentent 5% de la population, et puis les autres, ben, voilà. 1922, USA. Grève de 600 000 mineurs pour une augmentation des salaires qui ont été réduits de 20 à 40% et pour une diminution de la durée du travail. 1927, Chine. La CGT, redevenue clandestine, appelle les autorités du Wuhan au secours. Celle-ci exclut Chiang Kai-shek du Kuomintang, mais n'ont pas de moyens pour intervenir plus efficacement. 1936, Palestine. Les Arabes, craignant de se voir submergés par l'arrivée massive de Juifs, se révoltent contre les occupants anglais qui favorisent le sionisme. 1941, Yougoslavie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste yougoslave invite le peuple à ne pas désespérer de la victoire finale, même s'il succombe à présent devant un ennemi supérieur en nombre. La Yougoslavie s'est libérée seule. 1961, Cuba. Un commando anticastriste débarque dans la baie des Cochons. Il est mis facilement en déroute par les soldats, les milices et le peuple qui soutient l'indépendance de la révolution. Sur 1400 participants au commando, 1200 sont faits prisonniers. 1975, Portugal. Un an environ après la révolution des œillets, Le Conseil de la Révolution décide la nationalisation des principaux secteurs de l'économie, énergie électrique, transports ferroviaires maritimes et aériens, compagnies pétrolières. 1980, Brésil. Le tribunal régional du travail déclare la grève des ouvriers de Sao Paulo illégale par 15 voix contre 11. 1981, Argentine. Quelques 8000 personnes se rassemblent à Buenos Aires sur la place de Mai à l'appel des organisations de défense des droits de l'homme. Ils essayent en vain de déposer au palais présidentiel une pétition signée par 250 000 personnes et demandant l'apparition en vie des détenus disparus, la restitution des enfants disparus à leurs familles légitimes, les libertés politiques et le jugement des responsables des disparitions, des tortures et des assassinats. Alors n'ayez crainte, c'était il y a longtemps, c'était en 1981 et c'était loin, c'était en Argentine. On ne craint pas en France, sous le règne de Emmanuel Ier, des choses telles que celle-là quand même. Ça en prend un peu la direction, mais un peu seulement, un peu. C'est le 16 avril, 1525, en Allemagne encore, à Pâques, le conseil paysan occupe le couvent d'Altdorf, en Alsace. L'abbé détesté réussit à s'enfuir. Tiens, un abbé détesté, encore déjà. 1871, France, un décret de la Commune de Paris permet aux ouvriers de reprendre les usines abandonnées par les patrons qui se sont enfuis de la ville, sous forme d'associations coopératives de travailleurs. Associations coopératives de travailleurs, tiens, c'est une idée, ça. Les usines seront ainsi mises en exploitation non plus par les déserteurs qui les ont abandonnées, mais par l'association des travailleurs qui y étaient employés. 1917, Russie. Lénine rentre de l'exil. Les ouvriers et les soldats l'attendent à Saint-Pétersbourg. Sur la place de la gare de Finlande, il appelle à la révolution socialiste. 1919, France, Russie. Mutinerie dans la flotte française à Odessa. Les marins refusent d'intervenir contre les bolcheviks. Ils hissent le drapeau rouge et se déclarent solidaires avec la révolution d'octobre. Des tirailleurs sénégalais vont être utilisés pour réprimer le mouvement. 1920, Espagne. La Confédération patronale s'adresse aux chambres pour demander des mesures d'exception en vue de rétablir l'ordre. 1920, Yougoslavie. Grève de 60 000 ouvriers des transports. 1926, Allemagne. Les chômeurs reçoivent une indemnité pendant 39 semaines en 1926. 1926 encore, mais au Japon. Une nouvelle vague de répression anticommuniste conduit à l'arrestation de plusieurs centaines de personnes. 1946, France. Nouvelle loi sur le statut des délégués du personnel qui doivent être élus dans les établissements de plus de 10 salariés. Suspendu pendant 8 ans, depuis le décret-loi du 12-12-1938, les élections de représentants du personnel sont de nouveau possibles. 1948, Japon. Les ouvriers de la société de films Tokyo Eiga commencent leur lutte contre les licenciements. 1958, République fédérale d'Allemagne. En plusieurs endroits du pays, manifestations de masse contre l'armement atomique. 1979, Corée du Sud, arrestation de 6 membres du groupe dirigeant de l'Académie chrétienne coréenne par la Korean CIA, Central Information Agency, service coréen de renseignement. On les accuse de vouloir soutenir une révolution socialiste. Révolution socialiste. Oh, que c'est vilain, que c'est méchant, que c'est pas beau, révolution socialiste. Il faut réprimer ça, bien sûr. N'est-ce pas, monsieur Macron ? Peut-être la plus importante découverte des 20 dernières années. L'épigénétique peut changer votre vie, à vous qui nous regardez, votre vie personnelle, en redéfinissant ce bon vieux débat entre l'inné et l'acquis. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Joël de Renais. Et en vous permettant, bien sûr, de prendre en main votre corps, pas seulement votre corps, la vie peut-être de toute la société. Mieux vivre demain, est-ce possible et à quelles conditions? Eh bien, ce sont quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre, La Symphonie du Vivant, qui sort aux éditions Les Liens qui Libèrent, Joël de Renais. Ah, je rappelle, on situe tout de même, parce que là, dit comme ça, on se dit, mais voilà, on a quelqu'un qui nous fait des prophéties sur les temps à venir. Vous avez travaillé à l'Institut Pasteur, au MIT. Vous avez été l'un des pionniers de l'étude et de la conception des molécules par ordinateur. Vous avez été par ailleurs champion de France de surf. On va voir que ça a un rapport. Cette histoire de révolution, l'épigénétique, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Allez, en 2 minutes, montre en main. Je peux essayer, en tout cas. Épigénétique, ça veut dire par-dessus la génétique classique. La génétique classique, c'est l'ADN qu'on a pensé être le programme de toute notre vie, qui définissait tout ce que nous faisions. L'épigénétique, c'est la possibilité de moduler l'expression de nos gènes par notre comportement. Donc il faut imaginer que les gènes sont comme des tiroirs fermés avec des clés, empilés les uns sur les autres, qui constituent le code génétique et tous les programmes qui font marcher notre vie. Mais avec notre comportement, nous pouvons sécréter dans notre corps des molécules qui vont agir comme des clés pour ouvrir ou fermer ces tiroirs dans lesquels il y a des recettes de cuisine, par exemple, qui sont des recettes qui permettent de fabriquer quelque chose comme des enzymes ou des protéines qui contrôlent le fonctionnement de notre vie. Donc c'est la responsabilisation de nous-mêmes face à notre corps et, comme je l'explique dans la fin du livre aussi, face à notre environnement et même à la société dans laquelle nous vivons. Alors ce que j'entends avant tout, c'est « nous pouvons ». Le faire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus déterminés par nos gènes, comme on l'a souvent dit, entrée contre ce qu'on vit en philosophie, comme j'imagine les neurologues parfois ont pu le montrer. On peut agir sur les gènes. On peut agir sur les gènes pas en changeant le code génétique. Ça, c'est impossible. Les manipulations génétiques sont faites au laboratoire ou par des mutations résultant des rayons cosmiques ou de la pollution. Et c'est ensuite la sélection naturelle qui va trier ceux qui vont survivre. Mmh. Mais en revanche, par notre comportement fondé sur 5 éléments pratiques et quotidiens, la nutrition, l'exercice modéré, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait et le réseau social, familial et professionnel en harmonie avec ces 5 éléments tous les jours de notre vie, on va sécréter dans notre corps des molécules qui vont agir comme ces clés, qui vont ouvrir les tiroirs des gènes et permettre d'exécuter les recettes de cuisine qui est à l'intérieur des gènes dans notre propre intérêt. Un autre exemple que je vous donne, c'est un peu comme le système d'exploitation de votre smartphone ou de votre tablette. Le système d'exploitation qu'on appelle l'OS, l'Operating System, c'est un peu l'ADN de l'ordinateur. On l'achète avec. Mais il y a des applis. Les applis permettent d'exécuter certaines fonctions qui sont inscrites dans cet operating system, mais qu'on peut ouvrir ou fermer spécifiquement. Par exemple, je peux mettre de la musique en lisant les nouvelles sur mon smartphone. Je peux regarder avec une webcam le temps qu'il va faire là où je vais passer mon prochain week-end. Donc prenez cette idée, l'operating system, le système d'exploitation, c'est un peu l'ADN de mon ordinateur. Et les applis, c'est ce que je peux déclencher à volonté. Eh bien, c'est ce qu'on peut faire avec son propre corps. Sur notre ADN, le programme, on peut déclencher des applis qui nous permettent d'exécuter des fonctions différentes. En quoi, sous ce que vous nous racontez, qui pour l'instant ressemble aussi un peu à ce qu'on entendait avec le fameux manuel de développement personnel, hein, vivre mieux, faire du sport, bouger un peu, en quoi est-ce que ça, c'est nouveau et est-ce que ça révolutionne la génétique et puis cette épigénétique? Ce qui est nouveau, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a des milliers de publications là-dessus. Quand Conrad Waddington a créé le terme épigénétique en 1949, il se doutait absolument pas de toutes les retombées sociales, industrielles, politiques sur les services de santé et les systèmes de santé qui sont en train de naître maintenant. Il y a eu des milliers de publications depuis Waddington. Donc ce qui change tout, c'est non seulement l'impact sur notre propre vie, la prévention qui intéresse l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire, mais comme je l'explique dans la deuxième partie du livre, si Waddington a été pour moi déterminant, il y en a un autre qui a été indéterminant, c'est Richard Dawkins, qui a créé la notion de mème, qui est l'équivalent des gènes sociaux, des gènes culturels. Alors, il faut imaginer mème sans l'accent circonflexe, voilà. Les mèmes et la mémétique, qui est la science qui étudie la transmission des mèmes dans la société, par les médias notamment. Et moi, j'ai fait comme Waddington, j'ai créé un terme, il a créé l'épigénétique. Moi, j'ai créé l'épimémétique pour expliquer comment on peut agir sur l'ADN sociétal. Alors, on va revenir tranquillement sur tout cela. Le neurologue que vous êtes, Lionel Nakache, quand il entend cette histoire-là, se dit-il, non, rien à voir, le cerveau, c'est autre chose, ou est-ce qu'au contraire, cette épigénétique va également modifier notre perception du cerveau? Ah oui, non, c'est un concept extrêmement important, l'épigénétique. Et peut-être que ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, on a longtemps pensé qu'il y avait cette contrainte très forte de la génétique, que nous serions contraints par nos gènes. Et là, l'astuce, c'est qu'on découvre une contrainte de la génétique. C'est-à-dire que la génétique elle-même est sous contrainte de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'en réalité, ce programme n'a pas vocation à s'aligner de manière irrévocable, mais il est lui-même sous un régime de contrainte. Et vous voyez, c'est un peu comme en maths, quand moins fois moins, ça fait plus. Eh bien là, en découvrant que la contrainte est sous contrainte, c'est une source de liberté un peu. Et alors, la piste aussi que Joël de Renais explore dans son ouvrage, c'est un, de nous montrer qu'est-ce que c'est que l'épigénétique, et d'essayer de tirer de là des recettes de liberté. Alors ensuite, peut-être que c'est tellement complexe que les recettes de liberté sont encore plus complexes à trouver que celles qu'on peut proposer aujourd'hui. Mais pour vous, Lionel, la méditation, par exemple, la méditation par rapport au cerveau déclenche des mécanismes épigénétiques qui permettent de lutter contre l'inflammation, le stress oxydatif du corps, et qui entretiennent à l'intérieur de notre corps une forme d'harmonie homéostasique que l'on n'aurait pas sans la méditation. Oui, et puis vous avez raison, et c'est vrai que si on a un organe pour lequel l'épigénétique en fait trouve son application, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Parce que le cerveau, on pourrait dire, est un organe, c'est une formule un peu habituelle, mais qui est importante. Il est programmé justement pour échapper à ses contraintes. C'est-à-dire que c'est l'organe qui, contrairement aux autres organes, c'est pas pour défendre ma spécialité, et en réalité, il est en permanence comme une sculpture vivante. On vit toujours des choses différentes. On est en permanence modifié. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est pas non plus un message nécessairement totalement positif. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas le contrôle de tout ça. Il y a des choses qui nous échappent. Le cerveau est fluide. C'est un réseau fluide. Oui, c'est pas un réseau fixe, statique. André Comte-Sponville, comment le philosophe réagit-il à cette formidablement bonne nouvelle, à savoir qu'a priori, si première nous écoutons chose, et lisons Joël de Renais, tout va bien. Il y a davantage d'éléments qui dépendent de nous qu'on ne le croyait chez les biologistes il y a une trentaine d'années. En même temps, on a toujours su que l'alimentation, le mode de vie, l'environnement culturel modifiaient l'être que nous étions à la naissance. Vous prenez deux vrais jumeaux, génétiquement parfaitement identiques, vous les mettez dans deux familles complètement différentes, ils n'auront pas les mêmes maladies. L'un qui fume, qui boit, l'autre qui ne fume pas, qui ne boit pas. C'est l'histoire de la vie est un long fleuve tranquille. On permute deux enfants à la naissance dans deux familles opposées et bien sûr, ils vont être différents. Ce qu'il y a de plus nouveau, au fond, c'est pas ça. C'est pas l'idée que l'environnement agit sur ce que nous sommes. C'est qu'il est possible qu'il y ait une transmission héréditaire de caractères acquis. Là, alors, faut en dire un mot. Parce que ça viole un tabou absolu, qui est le lissinkis. Vous savez que Darwin Alors, c'est ce vieux débat entre l'inné et l'acquis, qui a fait les belles heures de la philosophie, mais aussi de certains totalitarismes. Oui. Vous écrivez, Joël de Ronay, que ce débat est désormais, avec l'épigénétique, totalement dépassé. Il est dépassé. Pourquoi? Il y a un rapprochement entre le néo-lamarckisme et le néo-darwinisme. Ah, attendez. Hey. Darwin, c'est tranquille. Darwin, c'est le hasard. Il est 21h. On va essayer d'expliquer comme ça. Expliquons calmement. De quoi il s'agit. Darwin, c'est les mutations au hasard. Voilà. Créer des changements dans le code génétique. Certaines de ces changements sont adaptables par la sélection naturelle et conduisent à la poursuite de la reproduction de cet individu. D'autres sont létales et il meurt avec son ADN. Ça, c'est Lamarck, c'est Darwin. Lamarck, au contraire, la fonction crée l'organe. C'est-à-dire la girafe, par exemple, pour chercher à survivre en mangeant des fruits en haut des arbres, son cou s'est allongé et cette propriété a été transmise à la descendance. Dans votre livre, vous expliquez, vous l'écrivez, il n'y a finalement pas tant de différence entre Lamarck et Darwin. De moins en moins. Avec l'épigénétique, justement, puisque la modulation de l'expression des gènes par le comportement, c'est quelque chose qui est à la fois acquis et inné. Le programme, il est là. Mais ce qui est acquis, c'est notre capacité à nous changer. D'ailleurs, les parents peuvent transmettre à leurs enfants une hérédité de caractère acquis. Par exemple, on a démontré scientifiquement, je l'explique dans le livre avec des publications, que le stress, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux drogues se transmet pas totalement, mais en grande partie, ce qui est déjà incroyable. Comment ? C'est pas l'ADN qui est modifié. C'est pas les bases du code génétique qui sont modifiées. C'est que dans le spermatozoïde et l'ovule, sont quand même des grosses cellules, il y a des tas de trucs, si vous permettez l'expression, il y a des tas de trucs dedans. Et ces autres éléments qui sont là sont des éléments, comme je disais tout à l'heure, des clés qui ouvrent ou qui ferment des tiroirs. Et donc, quand l'embryon va se construire, il a déjà un environnement qui va le déterminer à aller dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, André Comte-Sponville, ça semble être quand même plutôt une très bonne nouvelle. Nous dépassons un débat qui était un débat qui nous bloquait aussi, sur la question de la liberté, sur la question des contraintes que vous évoquiez tout à l'heure. Comment... C'est une bonne nouvelle parce que le fatalisme génétique recule. Voilà. Et dès que le fatalisme recule, on a envie de dire bravo parce que c'est davantage de liberté. En même temps, il ne faut pas rêver non plus. Comme l'a rappelé Joël, vous ne pouvez pas modifier vos gènes, ni donc les gènes que vous transmettrez à vos enfants, avec la femme qui sera leur mère. Tout ça, ça n'a pas changé. Ça, voilà, on ne peut pas les modifier. Qu'un certain nombre de phénomènes acquis peuvent être transmis héréditairement. Et c'est là, scientifiquement, me semble-t-il, ce qu'il y a de plus nouveau. Parce qu'encore une fois, moi j'avais appris à l'école, il n'y a aucune transmission héréditaire des caractères acquis. Alors, c'est pourquoi Lysenko avait tort et c'est pourquoi Darwin avait raison. Voilà. Et Lamarck avait tort et Darwin avait raison. Et on redécouvre maintenant que Lamarck avait tort, certes, contre Darwin, mais pas complètement, parce qu'il peut y avoir, grâce à l'épigénétique, une transmission de caractères acquis. Par exemple, je prends l'exemple trivial qui me vient à l'esprit, mais on expliquait il y a encore 30 ans que si vous jouez au piano 10 heures par jour pendant 20 ans, les enfants que vous ferez ne seront pas pour cela plus doués pour le piano qu'ils ne l'auraient été. Oui, mais si je suis Joël de Ronay, en réalité, si. Alors que si vous buvez, si vous fumez, si vous faites de la méditation, du sport ou autre, ce que j'ai appris en lisant Joël de Ronay, c'est qu'on peut transmettre éventuellement nos enfants, au moins une part, non pas de gènes différents, mais une expression différente des mêmes gènes. Exactement. Et donc, le fatalisme génétique recule, on n'est pas pour autant dans le règne de la pure liberté, parce que nous avons toujours un corps, nous avons toujours des gènes, et puis je vais vous dire, dépendent de l'hérédité biologique ou de ce que vos parents ont fait et vous transmettent par l'épigénétique, c'est quand même malgré tout dépendre. Et donc, on est un peu plus libre qu'on ne le croyait précédemment, mais il est impossible, en tout cas non scientifique, de rêver d'une liberté absolue. La liberté n'est par définition que relative, mais du même coup, on peut entreprendre de se libérer. Moi, au fond, le concept de libération m'importe davantage que le concept de libre arbitre. Responsabilisation. Les deux mots importants, c'est épigénome et épimutation. L'épigénome, c'est l'ensemble de ce qui conditionne la modulation de l'expression des gènes. Par exemple, ce sont des enzymes qui vont méthyler, c'est-à-dire rajouter gros groupements biologiques sur les histones qui entourent l'ADN, ou acétyler l'ADN et faire en sorte qu'il va s'exprimer plus ou moins, premièrement. Deuxièmement, il y a des petites molécules qu'on appelle des molécules de micro-RNA qui circulent dans l'ensemble du corps et qui jouent le rôle d'interrupteurs chimiques qui allument ou qui éteignent un certain nombre de choses. Donc notre comportement va provoquer dans le corps ces micro-RNA ou ces enzymes qui vont être les clés des serrures pour ouvrir ou fermer des gènes. Donc c'est une responsabilisation formidable que nous acquérons. De la façon dont je me comporte dépend l'avenir. Pas totalement, mais en grande partie, comme vient de le dire André, pas totalement, mais en grande partie, votre avenir. Alors, pour comprendre tout ça, il faut passer par les mots du cerveau. Donc, Karine Nakache et Lionel Nakache passent. Vous l'expliquez d'ailleurs, vous n'écrivez pas champ 15, finalement, pour échapper à ce déterminisme génétique qui était notre lot jusqu'à présent. Notre cerveau apprend, s'adapte à notre environnement tout au long de notre vie. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale, Lionel Nakache? Absolument, la plasticité cérébrale, c'est un concept très important qui, en partie, rejoint l'épigénétique. C'est-à-dire que cette idée, la plasticité, c'est qu'en gros, votre organe n'est pas un organe rigide, mais il est en permanence modifié. Moi, j'aime bien prendre l'image d'une sculpture, c'est comme une sorte de sculpture qui est la sculpture d'une vie, pas une sculpture que volontaire, mais une sculpture qui est aussi le fruit de tout ce que vous allez vivre. Et le fait est qu'on ne connaît pas tous les mécanismes. Mais dans la plasticité, il y a des phénomènes épigénétiques, il y a des phénomènes épigénétiques, il y a des phénomènes qui sont dans les réseaux de neurones, il y a des phénomènes donc qui ne sont pas directement liés même à l'expression des protéines. Donc on a tout un ensemble de poupées russes au niveau de plasticité. Je vous propose de prendre un exemple que je prends d'ailleurs dans votre livre à tous les deux pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de plasticité cérébrale. Allons faire un tour du côté donc du livre de Karine Nakache et Lionel Nakache. Regardez cette photo qui apparaît sur votre écran. Regardez-la bien. Est-ce que vous identifiez la présence d'un animal sur cette photo? Pas encore? Alors regardez-la, essayez à nouveau. Si vous voyez un animal, c'est que votre cerveau vient de s'adapter et parvient désormais à extraire de cette image bruitée l'identité de l'animal. Qui l'a trouvé là autour de ce plateau? Alors évidemment, pas vous, hein, Karine et Lionel, parce que vous l'avez écrit ce test. André Constantville, vous le voyez? Non. C'est le dalmatien, on voit les pattes, il a la tête tournée à l'envers de nous, et il est en train de manger quelque chose par terre. Voilà, l'image. Sentir et quelque chose par terre. On va voir effectivement beaucoup plus distinctement apparaître cette image. Qu'est-ce que ça veut dire, Karine Nakache? Comment est-ce que vous l'interprétez? Tu vois le dalmatien? Vous le voyez là, André Gonsconville? Ah oui, tout à fait. Alors peut-être le point pour rebondir sur ce que disait André, ce qui nous intéresse depuis tout à l'heure, c'est la question du déterminisme et de la part de liberté qu'on peut avoir. Et on a effectivement consacré un chapitre à cette question de la plasticité cérébrale qui est au cerveau, grosso modo, ce que l'épigénétique est à la génétique, à savoir un endroit où en fait se loge notre liberté et notre capacité en fait à transformer une impression première. Ici, dans l'exemple que vous avez donné, alors trivial dans cette image qui n'a pas un enjeu très important, on fait l'expérience de quelque chose qui va se modifier et l'important, parce que là aussi on dira des choses dont on n'a pas attendu les neurosciences pour les constater. On voit tous les jours, sans faire appel aux neurosciences, qu'une expérience se transforme par nature et que c'est d'une certaine manière là aussi des signes de liberté. Mais dans le cerveau, l'intérêt c'est que notre cerveau en fait se modifie ici minimalement, mais se modifie en permanence. Je ne veux pas faire les. Là, par exemple, le cerveau d'André Constantville vient de se modifier entre le moment où il ne voyait pas le chien. Il se modifie dans la discussion, les synapses. Voilà, les choses se modifient. Si André revoit la photo du dalmatien, la première. Oui. Je ne sais pas si. Alors, est-ce qu'on peut revoir la première photo? La première photo. Maintenant, il ne pourra pas. La première image bruitée. Est-ce que André? Ah oui. Est-ce que là vous le voyez? Et en fait, le simple fait de voir que initialement tu ne le vois pas, on ne le voit pas, et qu'ensuite on le voit. Eh bien, c'est une façon de prendre, vraiment, pour un non-expert, de sentir quel est le phénomène. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passait dans le cerveau d'André ou dans le nôtre, c'est que le fait d'avoir appris à voir va modifier le fonctionnement du système perceptif, de réseau du cerveau visuel. Et ces effets-là peuvent être plus ou moins durables. Et une expérience a été faite qui montre que si on remontre la photo à André ou à quelqu'un d'autre dans un an, eh bien, le temps pour percevoir le dalmatien sera plus court une fois qu'on l'a déjà vu. Ce qui est important, ce que dit Lionel et décrit très bien tous les deux dans le livre, c'est que le cerveau est un réseau fluide. On a vu à tort le cerveau comme un ordinateur, avec des boutons, des pressions et des stockages de mémoire. Mais en fait, ce qui fait l'intelligence, c'est la fluidité du cerveau, sa capacité d'adaptation par sa fluidité à des situations improbables et des stratégies à résoudre. Donc c'est la fluidité, il faut voir le réseau, et d'ailleurs l'épigénétique c'est aussi un réseau fluide. Le corps s'adapte en permanence grâce à l'épigénétique et le cerveau s'adapte aussi grâce à l'épigénétique. Alors, vous le dites dans votre livre, le défi consistera pour nous demain à manager notre corps si on veut tirer les bonnes leçons de l'épigénétique. Mais vous allez beaucoup plus loin parce que vous faites ce vieux parallèle que les philosophes aiment tant faire entre le corps physique et le corps social et vous dites finalement on pourrait rendre la société meilleure grâce à l'épigénétique. Comment ? Alors ça, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps de rapprocher Waddington et Richard Dawkins. Richard Dawkins, dans son livre Le gène égoïste, en 1976, a donné cette notion du mème, ME accent grave ME. Et est née une science qui s'appelle la mémétique, un peu l'équivalent de la génétique pour les mèmes, c'est-à-dire la transmission sociétale par les neurones miroirs, dont vous parlez tellement bien, d'éléments viraux. Des mèmes, par exemple, ce sont des refrains de chansons, ce sont des phrases comme « casse-toi, pauvre con ». C'est un mème. C'est un mème. Très bien. Les tweets de Trump, ce sont des mèmes. Le tweet est également un mème. Les tweets de Trump, ce sont des mèmes. Ils sont reproduits, ils sont viraux, ils se reproduisent très vite dans la société. La phrase de Georgina Dufoy, responsable mais pas coupable, c'est un mème. Ça a été répété tellement de fois. De Gaulle, quand disant on peut sauter sur sa chaise en criant Europe, Europe, Europe comme un cabri, c'est des mots qui ont été repris, répétés. La phrase de Giscard devant Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, ce sont des mèmes. Et alors comment ces phrases qui sont des phrases historiques ou des phrases littéraires tellement fortes que vous appelez les mèmes, comment pourraient-elles nous aider à changer la société ? Alors, voilà la bonne question. D'abord, ces mèmes sont reproduits dans la société par les moyens de communication, les journaux d'abord en presse-papier, puis la télévision, puis les médias, maintenant les réseaux sociaux. Comment ces mèmes pourraient nous aider ? C'est la mémétique étudie la diffusion des gènes. Moi, j'ai fait comme Waddington, il a créé l'épigénétique. Moi, j'ai créé l'épimémétique, c'est pas simplement un mot. Ça veut dire que, collectivement, nous pouvons intervenir sur la modulation de l'expression de l'ADN sociétal. Nous avons un ADN, un pays a une constitution, c'est une forme d'ADN. Une entreprise a des statuts, c'est une forme d'ADN. Mmh. Une association a un règlement intérieur, une équipe de rugby a une règle du jeu. Ça, c'est l'ADN social. C'est une forme, en métaphore, d'un ADN. Et nous, collectivement, nous pouvons agir sur l'expression de cet ADN en agissant sur les mèmes, la manière dont ils s'intègrent dans l'ADN sociétal et la manière dont on peut faire s'exprimer certains et pas d'autres. C'est la démocratie participative en réalité et surtout grâce au numérique maintenant. Alors, si je vous suis bien, nous allons vivre plus vieux, mais en meilleure santé. On peut y arriver. En tout cas, on pourrait y arriver. Je vous pose pas la question de savoir si on sera plus heureux, je la réserve pour tout à l'heure avec André Comte-Sponville. Oui. Bon, enfin, en tout cas, on vivra mieux, plus longtemps, plus sereinement. On a la possibilité. Question, que se passera-t-il demain, lorsque les données de chacun d'entre nous, désormais en bonne santé et vieux, mais joyeux, pourront être collectées par une entreprise comme, je ne sais pas moi, Google ou Apple, ces fameux GAFA. Google, vous avez raison de le mentionner, Google veut stocker tous les gènes humains dans une grande banque de données, ce qu'on appelle le Big Data, pour faire en quelque sorte de la médecine prédictive, en disant si telle enzyme se retrouve dans Alzheimer, Parkinson et le cancer, est-ce qu'on pourrait prédire d'autres maladies en fonction de la comparaison de ce Big Data avec l'intelligence artificielle ? Ils veulent le faire. Ça, c'est une réponse, Joël de Ronay, qui est déjà, encore une fois, très positive, très optimiste. Non, elle est inquiétante pour moi. Moi, je suis pas du tout d'accord à ce que Google stocke mes gènes. Mmh. C'est ce qu'il y a de plus privé chez moi. Beaucoup plus privé que mes emails. Donc, ils auront tout. Ils auront tout. Ils ont le monopole du numérique qui veut aller jusqu'à stocker nos propres gènes. L'idée est belle pour faire de la médecine prédictive, mais en même temps, c'est une atteinte à la vie privée bien pire que les emails. Ouais. Vous voulez entendre la réponse de quelqu'un que vous citez très, très souvent dans ce livre, qui est Yuval Noah Harari. Ah oui. Écoutez. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. Parce que finalement, les données qui sont véritablement importantes, ce sont les données biométriques de l'intérieur de votre corps. C'est le point clé. La grande invention sera le capteur biométrique. C'est pas un mensonge. Ils vont être capables de fournir des soins de santé nettement meilleurs qu'auparavant. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée en échange. Si j'abandonne ma vie privée, est-ce qu'on est encore dans la liberté que vous décriviez tout à l'heure avec beaucoup d'enthousiasme ? Je pense qu'on va, la vie privée va devenir plus un compromis qu'un droit. On dit on a un droit à la vie privée, mais déjà quand vous allez sur Amazon pour acheter un livre, il vous dit le livre que vous avez acheté il y a 15 jours, eh bien d'autres gens qui ont acheté ce livre ont également acheté tel livre. C'est une partie de ma vie privée qu'ils ont, mais en même temps, comme scientifique, ça me sert à m'orienter vers une voie à laquelle je n'aurais pas pensé. Donc de plus en plus, on va aller vers une forme de compromis. Il y a même en France un Gaspard Koenig, un jeune écrivain sociologue, qui décrit le fait qu'on devrait pouvoir marchandiser cette information qu'utilisent Google et les GAFA, qu'ils revendent à d'autres sans nous demander notre avis à nous. Donc il y a une grande discussion, le GDPR à l'échelle de l'Europe, et pour permettre à chacun d'avoir un droit sur ce que Google utilise sur notre propre vie privée. Donc on avance dans cette direction-là. Est-ce que vous partagez l'avis de Yuval Harari quand il dit que c'est la fin d'Homo sapiens ? Non. Qui n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, mais ce qui arrive avec l'épigénétique. J'appelle l'hyperhumanisme. Pas le transhumanisme, mais l'hyperhumanisme, c'est qu'avec l'intelligence artificielle connectée sur nous en symbiose, nous pouvons avoir un cerveau augmenté. C'est un pari pour le futur, il y a déjà beaucoup de gens qui y réfléchissent, mais je crois qu'une des voies de l'hyperhumanisme, c'est ça. La symphonie du vivant, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent, apprendre à devenir le chef d'orchestre de son propre corps, hein, en quelque sorte, Joël de Ronay. Nous appelons l'ensemble des citoyens français, salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, chômeurs, retraités, professions libérales, étudiants, lycéens, artistes, intellectuels, à se mobiliser pour construire à compter du 5 février 2019 la grève générale illimitée. À cet instant, nous déplorons que le pouvoir exécutif s'obstine à ne rien entendre des revendications portées par les Gilets jaunes et à conduire une politique injuste, rejeté par 75% des Français. Chacun a compris que le grand débat national ne constitue qu'une nouvelle stratégie de communication visant à anesthésier l'opinion publique sans qu'aucune mesure concrète ne soit adoptée à son issue. Le président de la République se refuse en effet catégoriquement à remettre en cause les dispositifs fiscaux adoptés au début de son mandat au bénéfice des 1% les plus riches, réforme de l'ISF, flat tax, exit tax et CICE. Il a confirmé également sa volonté de réduction des dépenses publiques et nous savons que dans sa bouche, celle-ci concernera nos services publics essentiels, la santé, l'éducation, la police et la justice. Plutôt que de tenter d'apaiser et d'écouter le peuple, le président de la République et le gouvernement n'ont fait que de jeter de l'huile sur le feu par des déclarations irresponsables. Foule haineuse, agitateur, sens de l'effort, cette stratégie du chaos a engendré 1000 blessés parmi nos policiers et nos gendarmes. 12 décès et 1800 blessés parmi les manifestants, dont près d'une centaine ont été mutilés, défigurés ou éborgnés. Pas un seul mot d'empathie à l'endroit des victimes n'a été prononcé à ce jour par ceux qui portent la parole institutionnelle. Les violences que connaît notre pays doivent cesser et nos revendications enfin accueillies. En conséquence, nous appelons l'ensemble des citoyens français, salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, chômeurs, retraités, professions libérales, étudiants, lycéens, artistes, intellectuels, à se mobiliser pour construire à compter du 5 février 2019 la grève générale illimitée. Nous appelons l'ensemble des gilets jaunes du pays et tous ceux qui voudront se joindre à nous à diffuser cet appel auprès de la population sur tous les réseaux sociaux et sur le terrain, ronds-points, entreprises, universités, lycées, établissements publics. Nous appelons également chaque citoyen à boycotter les grandes enseignes commerciales au profit des commerces de proximité afin de les soutenir en cette période de crise. À cet instant, chacun devra s'interroger en son fort intérieur s'il entend continuer à se soumettre aux injonctions d'un pouvoir devenu illégitime, dès lors qu'en abandonnant la poursuite de l'intérêt général, il a perdu de vue l'essence de son mandat, ou s'il est temps au contraire de reprendre enfin en main notre destin commun. C'est un sacrifice à faire aujourd'hui pour notre avenir et celui de nos enfants et petits-enfants. Ce moment est et doit être historique. Il est temps que la résignation change de camp et d'en revenir enfin au respect de l'article 2 de notre Constitution, le principe de la République et gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voyez-vous, j'ai vu leur pub là, aux macronistes, leur tract, il y a écrit Renaissance. Moi je trouve que leur tract a une drôle de tête, ça veut dire plutôt un truc d'extrême droite qu'autre chose, mais enfin bon, chacun son esthétique. Hein. Renaissance, ah ah ah. Alors là, ça tombe mal parce que je connais quelque chose sur le sujet. La Renaissance, qu'est-ce que c'est dans l'histoire? C'est le moment où la vieille Europe, qui était à l'époque fort jeune, voit réarriver les textes de l'Antiquité qu'elle avait perdus. Et donc c'est le XIVe siècle italien, c'est là que recommence la réflexion et qui va se traduire immédiatement par une première conclusion fondamentale, le siège de la vérité est dans notre cerveau. La vérité, vous pouvez considérer qu'il en existe une qui vous est révélée, c'est votre liberté de croire. Et je ne m'en mêlerai pas ce soir. Mais la vérité, nous allons la trouver avec notre cerveau. Celui qui écrit le premier texte sur le sujet, ce texte s'appelle « De la dignité de l'homme ». Il veut dire l'être humain, pas le garçon. « De la dignité de l'homme », 1487, pic de la Mirandole. « De la dignité de l'homme ». Quelle est la dignité de l'homme? C'est qu'il fait sa vie. Il peut la construire à la mesure de ce que son cerveau lui suggère. Aujourd'hui, c'est banal comme idée, mais à l'époque, c'est terrible. Comment nous allons trouver nous-mêmes? Nous allons découvrir nous-mêmes, c'est notre principale force. Et c'est ça qui va donner le courant des Lumières. Les Lumières, ça consiste à ne croire qu'à ce qu'on peut prouver. Ça ne veut pas dire que c'est que des choses matérielles. Par exemple, l'amour, vous pouvez y croire, pourtant vous ne pouvez pas le prouver. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est un problème. Hein. Ben oui, mais c'est pour dire que ce qu'on peut prouver. Et donc, s'oppose à l'esprit de la Renaissance, l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est le contraire. C'est déclarer fausse des idées vraies, ou déclarer vraies des idées fausses. Dans l'obscurantisme, il y a trois aspects. Premier aspect, déclarer vraies des idées fausses. Exemple. Vous allez voir tout de suite avec la période si je retrouve mon papier. Le privé, ça coûte moins cher que le public. Obscurantisme. C'est pas vrai.

qui voulait ainsi envoyer aux Iraniens un message de non-ingérence dans les affaires libanaises. Tout rentrera finalement dans l'ordre. Hariri regagnera Beyrouth, reprendra son poste de Premier ministre. Un incroyable feuilleton géopolitique qui en dit long sur ce petit pays, le Liban, constamment pris en otage, vous le verrez, d'abord par les rivalités coloniales franco-britanniques, puis caisse de résonance du conflit israélo-palestinien, de la guerre en Syrie et de la guerre sourde que se livrent aujourd'hui Iran et Arabie Saoudite. Alors tout de suite, voici le dessous des cartes du Liban, un pays sous influence. Sur la rive orientale de la Méditerranée, le Liban est un petit pays de 10 000 km², soit l'équivalent du département français de la Gironde. À l'ouest, il partage une frontière maritime avec Chypre, la Syrie le borde au nord et à l'est, tandis qu'Israël ferme sa frontière au sud. Ces deux puissants voisins jouent un rôle capital dans le destin libanais, on le verra. Sa géographie est singulière. C'est une chaîne de montagnes, le Mont Liban, qui a donné au pays son nom et son caractère. À l'ouest de ces montagnes, la plaine côtière où se trouve la capitale, Beyrouth, et les principales villes, Saïda et Sour au sud, Tripoli au nord. À l'est, la plaine de la Bekaa couvre un tiers du territoire, c'est le grenier agricole du Liban. Une autre chaîne montagneuse, l'Anti-Liban, marque la frontière orientale avec la Syrie. Grâce à ses reliefs, le pays est riche en eau, contrairement à ses voisins de la région. Le Liban compte 6,2 millions d'habitants, 87% d'entre eux vivent dans les villes. Beyrouth rassemble à elle seule près de 2,5 millions d'habitants. Avec les réfugiés syriens, le Liban compte 596 habitants au kilomètre carré. Il est ainsi le territoire le plus densément peuplé de la région, si l'on excepte la bande de Gaza. Regardez cette carte des densités. On le voit, le contraste est saisissant entre ces plaines urbanisées surpeuplées et les zones montagneuses, presque vides. Eh bien, dans le passé, ces montagnes ont offert un abri à de nombreuses minorités religieuses, aussi bien chrétiennes que musulmanes. Aujourd'hui, les principales communautés qui sont majoritaires dans les zones que vous allez maintenant voir sur la carte sont, d'après les estimations, les musulmans chiites, 35% de la population, la première communauté du pays. Les sunnites, 27% des Libanais. Les maronites, des chrétiens de rite oriental, 20%. Les druzes, des musulmans hétérodoxes, 5%. Au total, 18 communautés confessionnelles étroitement imbriquées forment une mosaïque religieuse unique au Proche-Orient. Tout le fragile équilibre politique du pays repose sur le partage du pouvoir et les alliances entre ces groupes, unis par une identité et une langue commune, l'arabe. Alors pour bien comprendre, faisons un peu d'histoire. L'histoire du Liban, on l'a dit, c'est d'abord l'histoire d'une montagne. Au début du XVIe siècle, 1516, dans le Chouf, au sud de Beyrouth, naît l'émirat du Mont Liban, sous la protection du sultan ottoman. Il sera dirigé pendant près de deux siècles par des émirs druzes, alliés avec des chrétiens maronites, puis par des princes sunnites. Au début du XIXe siècle, l'émir régnant se rebelle contre les Ottomans, soutenus par le pacha d'Égypte, qui s'est lancé dans la conquête de la Syrie. Le Liban entre désormais dans un jeu d'influence entre grandes puissances. Il va y rester longtemps. À partir de 1840, la France et la Grande-Bretagne, qui s'affrontent pour contrôler la région, vont nouer des alliances au Liban et y intervenir militairement. La France choisit de s'ériger en protectrice des chrétiens maronites, tandis que la Grande-Bretagne soutient, elle, les druzes. En 1860, Napoléon III envoie des troupes suite au massacre de ces chrétiens maronites. Un an plus tard, un nouveau statut est mis en place au Mont Liban, la Moutassarifa, un système unique au monde qui prévoit un conseil où chaque principale communauté religieuse est représentée. Les bases de l'État confessionnel sont ainsi posées. Mais c'est après la Première Guerre mondiale, en 1920, que l'influence française va être déterminante. Regardez cette carte des mandats confiés alors à la France en bleu et à la Grande-Bretagne, en rouge, par la Société des Nations, la SDN, pour gouverner les anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman déchu. Dans ce partage, la France récupère, on le voit, le Mont-Liban et la Syrie. Et au moment de tracer les frontières, le patriarche maronite de Beyrouth obtient de la France la création d'un grand Liban qui ampute la Syrie, vous le voyez, des régions côtières de Tripoli et de Tyr, et aussi de la plaine de la Bekaa. Ce nouvel État naît au détriment de la Grande Syrie, alors prônée par les nationalistes arabes, ce qui explique les difficiles relations entre la Syrie et son voisin libanais jusqu'à aujourd'hui. En 1943, le Liban devient indépendant de la tutelle française. Les Libanais se mettent alors d'accord sur un pacte national. Toujours en vigueur aujourd'hui, il définit la répartition du pouvoir entre les trois communautés les plus nombreuses au sein d'une démocratie parlementaire. Les chrétiens maronites obtiennent la présidence de la République et de ce fait le commandement de l'armée. Les musulmans sunnites détiennent le poste de premier ministre et les chiites celui de président de l'Assemblée nationale. Alors ce pacte libanais a néanmoins des failles, d'abord parce que le partage du pouvoir y est fixé une bonne fois pour toutes, alors même que les équilibres démographiques évoluent, comme l'ont montré par exemple les élections de 2018, qui ont été remportées par les partis chiites, Hezbollah et Amal. Ensuite, le communautarisme a engendré le clientélisme avec son lot de corruption et ses incessants revirements d'alliances. Et puis enfin, et c'est ce qu'on va voir maintenant, ce système a permis aux puissances extérieures de s'ingérer en permanence dans les affaires libanaises. Après l'indépendance d'Israël en 1948, le Liban accueille des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Il devient la base arrière de l'organisation de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, chassée de Jordanie en 1970. Les Libanais se divisent alors entre partisans et adversaires des Palestiniens sur une ligne de fracture chrétien-musulman. De part et d'autre, des milices s'arment et la guerre civile éclate en avril 1975. Elle durera 15 ans, ponctuée de massacres comme à Sabra et Shatila et d'occupations militaires qui perdurent après la signature d'accords de paix en 1990. Avec au sud les troupes israéliennes qui interviennent de 1982 à 2000, tandis qu'au nord et au centre, l'armée syrienne, entrée au Liban en 1980, y impose sa tutelle jusqu'en 2005. L'Iran, de son côté, intervient en faveur des chiites en finançant le Hezbollah, le parti de Dieu. Fort de quelques 25 000 combattants, il est mieux équipé que l'armée libanaise. C'est un véritable État dans l'État, qui dispense des aides sociales et des services de santé et d'éducation aux populations chiites. Le Hezbollah est aujourd'hui dirigé par Hassan Nasrallah et c'est grâce à son soutien que l'actuel président, le général chrétien Michel Aoun, a été élu. Alors en 2018, c'est à nouveau une menace extérieure qui fragilise le Liban, la guerre en Syrie. Le pays du Cèdre a accueilli sur son sol environ 1,5 million de réfugiés, soit près du quart de sa population actuelle. Or, l'économie libanaise, basée notamment sur le tourisme et sur la finance, ne s'est jamais complètement relevée de la guerre et le pays est lourdement endetté. Aujourd'hui, près d'un tiers des Libanais vit sous le seuil de pauvreté. Malgré tout, le pays dispose de quelques atouts pour repartir. Un secteur bancaire, stable et réputé, les transferts d'argent de sa très nombreuse diaspora. Et puis tout récemment, la découverte d'importants gisements de pétrole et surtout de gaz offshore, avec des réserves de gaz estimées entre 340 et 700 milliards de mètres cubes. Vous voyez ici les 10 blocs de concessions gazières dans la zone économique exclusive, la ZEE libanaise. Début 2018, le gouvernement a signé des accords pour deux de ces blocs avec un consortium international mené par le français Total, associé à l'italien Eni et au russe Novatek. Les forages devraient commencer en 2019. Reste à régler le litige frontalier qui oppose le Liban à son voisin israélien au sud de sa ZEE, dans la zone que vous voyez ici en rouge, particulièrement prometteuse. Le Liban et Israël n'ont en effet jamais à ce jour fixé leurs frontières maritimes. Le Liban est donc ce pays qui a bien du mal à connaître la paix et la souveraineté, puisque depuis sa création, on l'a vu, les puissances extérieures n'ont eu de cesse d'y placer leurs pions. France, Israël, Syrie, Iran, Arabie Saoudite. Pays sous influence à l'équilibre toujours précaire, qui ne doit pas faire oublier que le Liban est aussi un véritable Eldorado entre mer et montagne, où l'on trouve des trésors patrimoniaux phéniciens mais aussi romains avec le site antique de Baalbek, une gastronomie mondialement réputée et l'hospitalité légendaire de ses habitants. Considéré un temps comme la Suisse du Proche-Orient, le Liban a disparu de la carte touristique lorsqu'il a sombré dans la guerre civile en 1975. Mais les touristes reviennent aujourd'hui malgré tout, timidement, dans ce petit pays d'Orient, à 4 heures de vol de Paris. Pour aller plus loin, cette histoire du Liban, des origines à nos jours de Xavier Baron, publiée chez Talendier. Xavier Baron est journaliste, il a vécu 12 ans au Liban comme correspondant de l'agence France Presse. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basse les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance et sur le toit même d'entendre tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte. Le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte. C'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose. C'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années, secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi, pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. L'homme qui va sans aucun doute devenir le nouveau président algérien était très jeune, un surdoué de la politique, puisqu'il est resté pendant 16 ans le ministre des Affaires étrangères de Wari Boumediene. À 62 ans, Abdelaziz Bouteflika a aussi connu une longue traversée du désert. Il est aujourd'hui soutenu par le pouvoir et par les militaires. Huguette. Le scénario était pourtant bien huilé. Soutenu par les militaires et le pouvoir, favorisé par les médias, le candidat Bouteflika avançait tranquillement vers la victoire. Mais le retrait hier de ses six rivaux a ruiné la stratégie de ce fin politique. Élu, il le sera, mais sans l'onction démocratique tant recherchée. Je veux que le peuple algérien se prononce avec une très grande clarté à une majorité substantielle pour que l'on puisse apporter les changements nécessaires. Si le peuple algérien voulait autre chose, je rentrerai chez moi, la conscience en paix, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Lycéen, Abdelaziz Bouteflika rejoint le maquis en 1956. Il rencontre alors un homme qui va bouleverser sa vie, Wari Boumediene. Une amitié est née, elle ne se démentira jamais. 1965, l'austère colonel Boumediene s'empare du pouvoir. Son premier geste est de rétablir Bouteflika dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Little Big Man, comme on le surnomme, a 28 ans et les coudées franches pour mener une diplomatie active. La France apprend à négocier avec cet homme subtil mais déterminé. La consécration internationale intervient en 1974. Il est élu à l'unanimité président de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais la mort en 1978 de son ami Wari Boumediene sonne le glas du diplomate. Écarté par les militaires, condamné pour corruption, il entame une longue traversée du désert. En 1994, les militaires en mal de candidat le pressent de se présenter à l'élection présidentielle. Il décline la proposition. Le temps de la réflexion, Bouteflika attend le moment propice. Aujourd'hui, la victoire lui est acquise, mais c'est une victoire au goût amer. Charline Vanhoenacker, vous vous attelez ce matin au sort de la gauche à la veille de la campagne des européennes. Oui, alors attendez Nicolas, je dois vérifier un truc avant. Léa, donc là ça y est, c'est bon, c'était bien votre dernière interview de 7h50 avant 2 mois. Attendez, restez. Dans ma... Génial, merci, putain c'est trop bon. Je vais enfin pouvoir me payer Raphaël Glucksmann. Excusez-moi, je tenais plus parce que bon là j'ai mis la pédale douce depuis le début du lancement de son mouvement là qui s'appelle comment déjà place publique, ok. Ouais, vraiment, par amitié pour vous, Léa, j'ai freiné mes ardeurs. Putain, là, j'ai 2 mois, il faut que j'en profite. Ça va faire des vacances à Macron, hein. Non, mais Glucksmann, mais c'est qui ce gars qui prétend rassembler la gauche? C'est quoi le projet? Il voulait d'abord vider les océans avec une paille, il a pas réussi? C'est quoi le prochain coup? Grimper l'Himalaya en trottinette électrique? Ou alors, c'est le type qui s'est dit, bon, j'ai réussi à pécho Léa Salamé, plus rien peut me résister, même pas la gauche. Allez hop, ouais, ça va à d'autres. Attendez, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la gauche, c'est pour dire qu'un nouveau parti s'est créé. Et puis dès qu'un mouvement de gauche s'est créé, le jour même, il y a un type qui se fâche et qui dit « Ouais, si c'est comme ça, je quitte le mouvement !» C'est même à ça qu'on reconnaît un mouvement de gauche. Si ça continue, la France sera bientôt le seul pays au monde où il y a plus de partis de gauche que d'électeurs de gauche. Donc, si j'ai bien pigé, Raphaël Glucksmann, c'est la nouvelle tête de liste du PS. Léa, et vous savez que c'est un coup à se retrouver tout seul dans la rue, debout sur une palette peinte en rouge. Et vous êtes maquillé avec le Corbin d'Élise 2-0, bravo, bien joué. Oh là, alliance avec le PS. Glux, c'est le mec, on est content qu'il soit pas sauveteur. Là, il est en plein massage cardiaque avec un patient décédé depuis 2 ans. Et puis, et vous savez comment ça s'appelle cette alliance dans le monde de l'entreprise, hein, Domi? C'est une fusion-acquisition. Sérieusement, et son imagination est assez puissante pour inventer un parti qui arriverait à rassembler la gauche, un machin qui s'appellerait Place publique de la génération insoumise écologiste socialo-communiste. Déjà le nom est improbable. Donc pour conclure Léa, on va finir provisoirement 5 ans de collaboration là-dessus. Je te préviens parce que pour une fois je te tutoie. Donc tu quittes la première matinale de France pour ton cum, pour qu'il aille se prendre une dérouillée aux européennes. Bon sang meuf, mais ça mérite la médaille d'or de l'abnégation ça. Merci Charline Vanhoenacker. Ce que vous dites assez peu en général Madame Le Pen, c'est que 80% des mouvements migratoires se font entre pays du Sud. Et il y a des mouvements migratoires d'ailleurs dans le débat européen dont on ne vous parlera pas. Par exemple, le fait que 400 000 Grecs aient été poussés à quitter leur pays pour fuir les politiques d'austérité imposées par Bruxelles lorsque cela a été mené. Alors maintenant, regardons la question. Moi, je considère que c'est vos amis qui sont attachés en Grèce. Vous pouvez creuser tous les fossés que vous voudrez. Vous pouvez mettre tous les quotas que vous voulez. Quand on voit que depuis les années 2000, à peu près 30 000 personnes sont portées disparues ou mortes en traversant un fossé, je pense pas qu'on puisse faire plus grand que celui de la Méditerranée, qui est devenu un véritable cimetière. Je crois que vous pouvez faire ce que vous voudrez, vous ne réglerez pas la question. Mais je voudrais terminer en disant que la laïcité, du coup, ne peut pas non plus être à géométrie variable. Et qu'en la matière, nous avons, notamment sur ce plateau, quelques tartuffes de la laïcité. Parce que quand M. Macron s'en va dire dans un monastère, je crois, que le lien entre l'Église et l'État a été abîmé, alors que précisément il a été rompu et qu'il accepte le titre de curé d'honneur du pape chanoine de Latran, c'est un coup de canif porté à la laïcité. Quand monsieur François Hollande, président de la République, déclare que la République reconnaît reconnaît tous les cultes, alors que précisément la loi de 1905 dit que la République ne salarie, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. C'est un coup de canif contre la laïcité. De la même manière, l'obsession anti-immigration de Madame Le Pen n'est pas la laïcité. Emmanuel Macron et ceux qui l'ont précédé ont mené le pays dans une impasse et à présent, il est temps d'en sortir. D'importants défis nous font face et nous ne pourrons les relever en poursuivant l'absurde modèle de la compétition entre tous. Cet avenir en commun auquel nous aspirons n'est pas atteignable dans le cadre des actuels traités européens qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, sont anti-écologiques, anti-démocratiques et anti-sociales. Le 26 mai prochain, on vote. Et ce 26 mai, ce vote n'est pas un à côté du mouvement populaire que nous connaissons actuellement dans le pays. C'en est une étape, et une étape importante. Ce sera la première fois que nous voterons depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et sa majorité au pouvoir. Alors, ne lui faites pas le cadeau de votre abstention. Et ne succombez pas aux sirènes de Madame Le Pen, sa roue de secours. Empêchez que se rejoue le deuxième tour pourri entre Macron et Le Pen. Et pour cela, le vote efficace, je le crois, c'est celui de la France insoumise et de sa tête de liste, Manon Aubry. En donnant de la force à Manon Aubry et la liste qu'elle emmène le 26 mai, vous enverrez au Parlement européen des députés de combat. L'avenir n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, c'est ce que nous allons faire. Merci. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couchée sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Ils étaient là, trois à l'attendre, trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. On l'a soulevée de terre comme une grande fleur coupée. Sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli, elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. S'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Bonjour Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Bonjour. CNews, près de 7 heures de débat, des maires qui étaient dans leur globalité satisfaits. Vous avez entendu les applaudissements, vous avez peut-être vu cette standing ovation. Si vous étiez trouvé dans la salle, vous auriez également applaudi ou pas ? applaudit l'endurance du personnage sans aucun doute. Maintenant, le contenu, non. Puisque on a la réponse maintenant, on sait pourquoi Emmanuel Macron nous parle de grand débat. Ce n'est pas un grand débat dans le sens où il aurait un caractère conséquent. C'est grand dans le sens où il parle pendant longtemps, effectivement. C'est une sorte de meeting, finalement, du président de la République auquel ont assisté les élus locaux hier. Et dans le genre, on sait qu'Emmanuel Macron a quelques talents. Mais qui plus est maintenant, a-t-il répondu finalement aux revendications des Français? La réponse est non. Puisqu'Emmanuel Macron a lui-même sabordé ce grand débat dans l'œuf, si j'ose dire, le 31 décembre au soir, il a bien expliqué que le cap présidentiel ne serait pas à modifier. Or, je vous le dis, sur la plupart des revendications qui sont portées, et notamment les principales qui ont largement la majorité de l'opinion avec elles, je pense par exemple le référendum d'initiative citoyenne ou rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce sont des revendications que le président de la République, auxquelles il n'entend pas donner suite, puisqu'il a dit clairement qu'il n'entendait pas changer de cap. Je pense profondément que si Emmanuel Macron répond à la situation dans le pays, il n'a pas le choix que de modifier son cap. Donc finalement, ce grand débat vise une chose, permettre à Emmanuel Macron de gagner du temps, d'espérer, semble-t-il, mettre la contestation populaire sous le tapis. Emmanuel Macron est entré hier en campagne, mais je pense pour ma part qu'il a déjà perdu le match. Du temps, il y en a peut-être besoin, notamment sur l'ISF qui a été également abordé. Emmanuel Macron dit que si la réforme ne porte pas ses fruits, on reviendra à l'ancienne formule. Il attend en fait l'évaluation qui aura lieu à l'automne prochain. Est-ce que vous ne voulez pas attendre quelques mois pour savoir si ça fonctionne ou pas? Mais pour une raison très simple, non, parce que d'abord, on sait très bien que le mythe selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune faisait fuir les plus riches, comme on l'a souvent dit, n'existe pas. C'était à peu près 0,14% en proportion des assujettis à l'ISF qui partaient, sans d'ailleurs qu'on puisse vérifier s'ils partaient pour des raisons fiscales. Mais qui plus est, dans un moment où Emmanuel Macron a demandé un effort considérable à la grande masse du pays, la suppression de l'ISF a consisté à redistribuer 1 million d'euros par personne aux 100 plus riches de ce pays. Donc ça n'est pas possible. De la même manière, quand Emmanuel Macron hier nous dit au détour de la réunion, le conseil municipal auquel il assistait, qu'il y aurait en matière de pauvreté certaines personnes qui déconnent, moi je pose quelques questions à Emmanuel Macron. Quand on a 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale dans ce pays, 1600 euros par an et par contribuable, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déconne? Emmanuel Macron qui nous dit qu'il finalement ce serait très facile de trouver un emploi. On a un emploi non pourvu pour 40 chômeurs en France et 80% des contrats signés qui sont des contrats courts, avec un recours absolument considérable aux contrats courts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déconne? De la même manière, sur la répartition des bénéfices qui vont essentiellement à l'actionnariat et non pas à l'investissement et au salaire, n'y a-t-il pas quelque chose qui déconne? Bref, vous voyez que le problème de ce grand débat, si j'ose dire, c'est qu'il n'est pas conséquent. On ne sait d'ailleurs pas ce qui va en résulter en matière de prise de décision, sinon que le cap présidentiel ne sera pas modifié. J'appelle de mes voeux, oui, à un grand débat qui soit véritablement conséquent, c'est-à-dire à un débat constituant, qui permette que... Quant à avoir cette logistique, ce nombre de gens mobilisés pour un grand débat, qu'il en reste véritablement quelque chose en profondeur, à savoir une modification de nos institutions pour que véritablement on puisse repartir d'une nouvelle page et que le consentement aux nouvelles règles établies par le peuple lui-même soit véritable. Or là, Emmanuel Macron est dans un exercice de communication, ce à quoi il nous habitue depuis maintenant plus de 18 mois. Adrien Quatennens, vous avez utilisé l'expression quelque chose qui déconne, c'était évidemment pas anodin. Vous restez avec nous s'il vous plaît, on va écouter ce qu'a dit le président de la République hier lors d'un conseil municipal, c'était avant le débat, il a fait allusion aux personnes en situation de pauvreté. Il y a celles qui font bien et celles qui déconnent justement. Une partie du traitement de la pauvreté est dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant, en leur apportant les instruments. Elle n'est pas dans le face-à-face entre ceux qui profiteraient d'un côté et ceux qui seraient toujours les vaches à lait de l'autre, comme j'entends parfois. Pas vrai. Elle est dans un travail collectif qui est très fin, où il faut des travailleurs sociaux, où il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Évidemment, cette phrase a été relevée, elle n'est pas passée inaperçue. C'était juste avant le lancement officiel du grand débat, un démarrage en fanfare, Gérard. Oui, alors c'est surprenant cette phrase parce qu'au départ, justement, il refuse qu'on oppose les contribuables qui payent à ceux qui profiteraient des avantages sociaux. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il ajoute donc qu'on va davantage responsabiliser les gens en difficulté, car, et c'est là qu'il y a la fameuse phrase, il y en a qui font bien et d'autres qui déconnent, il le Renou ainsi avec son fameux « parler cash ». Alors ça provoque tout de suite un tollé dans l'opposition. Pour la gauche, Macron jette en pâture les plus faibles, comme quand il parlait, vous savez, de ceux qui ne sont rien. Il disait ça dans une gare. Côté républicain, Valérie Boyer parle de mépris. Et Éric Ciotti assure que le président veut éteindre un incendie avec du napalm. Là, c'est d'autant plus surprenant que le même Éric Ciotti est partisan d'une suspension des allocations pour les familles où il y a des délinquants et que Laurent Wauquiez a parlé de l'assistanat comme d'un cancer de la société. Néanmoins, en pleine crise des gilets jaunes, dans le climat de tension et d'exaspération qu'on connaît, eh bien Emmanuel Macron aurait sans doute dû s'épargner cette nouvelle pique qui est vécue comme une provocation, d'autant que lui-même a un peu plus tard regretté les caricatures concernant son style. Donc une fois encore, une petite phrase risque de brouiller son message. Oui, mais voilà, on ne se refait pas. Hein. Adrien Quatennens, merci d'être resté avec nous. J'imagine que vous êtes choqué par cette phrase, que vous ne la comprenez pas. Mais ils n'existent pas, ces Français en situation de pauvreté qui déconnent. C'est une invention du président de la République ? Mais évidemment, de quoi parle-t-on ? Quand Emmanuel Macron nous parle par exemple des chômeurs, vous savez que le chômage tue à peu près 14 000 personnes directement dans ce pays chaque année, que ce sont des réalités sociales extrêmement dures, des familles qui se disloquent, des échecs scolaires, de la maladie parfois, bon c'est terrible. Vous savez, pour beaucoup, enfiler le gilet jaune, c'est signifier à la fois aux siens et puis à tout le monde autour de soi que l'on n'a plus rien à perdre, voilà ce que ça veut dire. Emmanuel Macron ferait bien de l'entendre. Et puis là, souvent, Emmanuel Macron, ses offuscations à géométrie variable, je l'ai dit juste avant. Moi, quand je vois la fraude et l'évasion fiscale, je me dit que là, il y a vraiment quelque chose qui déconne, que le président de la République devrait s'employer à solder. Il y a quelques solutions assez simples en matière fiscale pour vraiment lutter contre ce problème. De la même manière, j'ai entendu hier M. Bruno Le Maire s'offusquer de la différence de l'écart des salaires dans les entreprises, mais ce sont les mêmes qui aujourd'hui pleurent à chaudes larmes de crocodile, qui ont refusé les amendements proposés raisonnablement à l'Assemblée nationale, notamment par mon groupe, de limitation de l'écart des salaires. Donc vous voyez, si vous voulez, à un moment donné, c'est ce deux poids, deux mesures permanent, constant en tout et pour tout, qui fait que ça n'est plus possible. Et puis Emmanuel Macron, en termes de provocation, n'en est pas à son coup d'essai. Quand il nous a dit récemment « traversez la rue, je vous trouve un emploi, les fainéants, etc. », c'est très régulier. Je pense que chez Emmanuel Macron, on voit cette démonstration. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça montre bien qu'Emmanuel Macron, finalement, semble méconnaître le quotidien des Français et qu'il est en pleine déconnexion dans son opération de communication. C'est bien dommage et j'espère véritablement que désormais, nous pourrons passer à un grand débat qui soit conséquent, c'est-à-dire autre chose qu'un blabla qui servent simplement la soupe du président de la République comme il entend désormais le faire. Merci Adrien Quatennens. Thank you. quand il y avait l'ISF, est-ce qu'il y avait moins de chômage dans notre pays? Non. C'est tout mais le contraire. Quelle caricature. Nous avons fait diminuer mais monsieur le chômage. Guérini, est-ce que c'est une caricature. Je ne vous ai pas coupé. Mais vous avez raison. Mais quand il y avait l'ISF, est-ce qu'il y avait plus de pouvoir d'achat pour les plus modestes? Je ne crois pas. Quand il y avait l'ISF, est-ce qu'on créait plus d'emplois? Je ne crois pas. Notre politique, le choix que nous avons fait, c'est de faire en sorte que les ménages les plus aisés puissent effectivement investir dans les entreprises. C'est faux, vous avez suivi l'ISF. Je crois que pour créer des emplois, pour vaincre le sujet de la pauvreté, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. Et mais depuis que nous sommes en responsabilité, nous avons créé plus d'emplois que nous avons créé dans les 10 dernières années. Vous savez, cette année, le moyen on a recréé les allez, pas tous en même temps. Terminez votre phrase, monsieur Guérini. Est-ce que vous souhaitez le retour? J'essaie de le terminer. Cela fait 15 ans, effectivement, que nous n'avions pas créé d'emplois industriels dans ce pays. Nous sommes en train de retourner la situation. Et ça, ça va créer des emplois. Donc vous ne bougerez pas sur l'ISF. Je peux répondre à l'interpellation de monsieur Guérini. Rapidement. Je réponds à votre interpellation. Bon, d'abord, sur le rétablissement de l'ISF, il ne vous aura pas échappé que, selon les enquêtes d'opinion, 77% des Français sont pour son rétablissement. Je suis d'accord avec ces 77%. C'est vous qui êtes la minorité dans cette affaire, précisément. Mais vous avez la cohérence de votre propos. Vous pensez que celles et ceux qui ont le plus, c'est une position que je comprends tout à fait, celles et ceux qui ont le plus réinvestissent dans l'activité productive de notre pays. Je pense que vous vous trompez, monsieur Guérini. Le capitalisme de notre époque n'est pas celui que vous rêvez, malheureusement. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la répartition des bénéfices dans notre pays, vous allez voir, c'est un tableau très simple, et je m'arrêterai là, qui fait que la machine ne peut pas être relancée. C'est que les bénéfices vont à peu près à 67% pour les actionnaires. On est d'ailleurs les champions du monde en la matière, parce qu'on parle souvent des dépenses publiques où on est champion d'Europe, mais on oublie de dire qu'on est champion du monde, s'il vous plaît, des dividendes versus actionnaires. Il y a seulement 25% pour les investissements productifs et 5% pour l'austérité. Les croquants vont en ville à cheval sur leurs sous, acheter des pucelles aux saintes bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent, la main dessus, la main dessous. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, c'est pour la bouche du premier venu, qui a les yeux tendres et les mains nues. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne qu'une fille belle comme ça, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne humeur, les filles de bonne vie, qui ont vendu leurs fleurettes à la foire à l'encan, vont se vautrer dans la couche des croquants, quand les croquants en ont envie. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, n'a jamais accordé ses faveurs à contre-sous, à contre-cœur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne qu'une fille belle comme ça, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne vie ont le cœur consistant, et la fleur qu'on y trouve est garantie longtemps, comme les fleurs en papier des chapeaux, les fleurs en pierre des tombeaux. Mais le cœur de Lisa, le grand cœur de Lison, aime faire peau neuve avec chaque saison. Jamais deux fois la même couleur, jamais deux fois la même fleur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne qu'une fille belle comme ça, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Une petite revue de presse. Eh bien, on va commencer, si vous le voulez bien, par des informations qui arrivent comme ça par le net. On reçoit plein de choses par le net maintenant. Plus d'informations, plus fiables que par la presse vendue. Hein. Voilà. Vous avez cru jusqu'à ce jour qu'il y avait des tyrans, point d'interrogation. Eh bien, point d'exclamation. Vous vous êtes trompé, il n'y a que des esclaves. Là où nul n'obéit, personne ne commande. Ah, bon, tiens. Autre chose, les caricaturistes une nouvelle fois en deuil. on a perdu un bon client. Ah, je ne sais plus de qui s'agit. Il faudrait chercher. Toi là, oui toi, tu sais qu'ils nous mentent, qu'ils nous volent, qu'ils nous trahissent, qu'ils nous empoisonnent, et tu continues à voter pour eux. Réveille-toi. À Caen, il y a une pancarte vue sur au cours d'une manifestation à Épinal, par exemple. À Caen, les charges sociales sur le travail des robots. Alors moi, je dirais la même chose, que je remplacerais peut-être le mot « charge » par le mot « cotisation ». Cotisation sur le sociale sur le travail des robots. Ah oui, si les robots remplacent les humains, il serait normal qu'ils payent des cotisations. Bon, des charges aussi, hein, bien sûr. Des sortes d'impôts, de TVA, de etc. Mais qui payent des cotisations, de manière à renforcer la sécurité sociale. Ah oui, s'il y a moins de cotisations venant des humains, il faut qu'il y ait des cotisations venant des robots qui remplacent les humains. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. C'est signé d'un chef indien qui s'appelait Sitting Bull. Très sage, Sitting Bull. Hein, il est observateur. Il réfléchissait. Pas comme nos chefs du 21e siècle, qui parfois ne réfléchissent pas beaucoup quand même. Hein. En surnombre dans l'économie nationale, destination Auschwitz. Fin 1944, on a chargé nos gardiens. Au lieu des SS arrivés, arrivèrent les soldats de la Wehrmacht. Nous pensions avoir un peu de répit. Pourtant, il s'est avéré que ceux-là aussi pouvaient être des assassins. Nous étions alors 500 personnes. Sur la place de l'Appel, le nouveau commandant passait en revue ses esclaves, une baguette à la main. Un jour, il vint vers moi et me demanda, en désignant ma veste, « Cela est ton numéro ?» Mon « oui » m'a valu une gifle retentissante. Je suis tombé à terre tellement j'étais faible, au bout de 30 mois à casser des pierres. Debout. Deuxième gifle. Montre-moi ton bras, si c'est bien ton numéro. Quand il regarde mon tatouage, il devient féroce. Et tu vis encore? J'ai survécu à cela aussi. Je ne sais comment. Les copains m'avaient surnommé le rêveur, car j'avais toujours bon moral, et je leur disais constamment, on leur survivra. Quoique moi-même, je n'y croyais guère. Les Russes commençaient à s'approcher. Le 15 janvier 1945, nos bourreaux décidèrent de nous emmener dans différents camps en Allemagne. Là a commencé le chapitre tragique de la marche de la mort. Quelques jours avant, nous eûmes déjà des signes avant-coureurs. Mais nous ignorions ce qu'ils allaient faire de nous. Le travail fut stoppé, et dans l'attente, nos nerfs furent mis à rude épreuve. J'ai vu un gars de 17 ans devenir fou furieux. Il saccagea tout ce qu'il voyait. Lui et son frère, qui voulut le calmer, furent abattus sommairement. Les brutalités de nos gardiens devinrent plus terribles, énervés qu'ils étaient de fréquentes alertes aériennes. Quand ils aperçurent les avions soviétiques, ils devinrent comme des bêtes sauvages. Le 18 janvier au matin, l'évacuation a commencé. Nous marchions par rang de 10. Tous les 20 personnes en avaient 2 gardiens. Les Allemands ont réuni tous les déportés d'Auschwitz et des environs. Ils les chassaient en avant dans le froid et la neige. Si l'un de nous voulait prendre un peu de neige dans la bouche pour se rafraîchir, il était abattu sur place d'une balle dans la tête. Tout le temps de cette marche, les gardiens achevaient les retardataires. Nous avons fait halte pour passer la nuit à Wroclaw en plein air. Etc., etc. Je suis à la page 306 d'un livre qui raconte le supplice des déportés de camps de concentration. Récit de survivants. Voilà. Alors ça, c'était il y a un peu plus de 70 ans. Mais depuis, des horreurs, il s'en a économisé d'autres. Bon, évidemment, pas de la même ampleur, mais soyons vigilants, soyons très, très vigilants. Parce que l'histoire, parfois, se répète. Il faut faire attention pour qui on vote. Oui, parce que n'oublions pas que Adolf Hitler est le responsable du génocide juif, des camps de concentration, des camps d'extermination, a été amené au pouvoir par les électeurs. Oui, il est arrivé au pouvoir, il a fait un coup d'État après, quand il était déjà chancelier, enfin Führer. Ce sont les électeurs qui se sont laissés berner par des arguments, etc. Oui, les électeurs. Ah oui, électeurs, on pense parfois que notre petit bulletin, notre petit rectangle de papier, oh, il pèse pas lourd, si je me trompe en votant, c'est pas grave, les autres auront rectifié, et la moyenne fera que on ne risque pas grand-chose en votant. Eh bien si, parce que un bulletin, plus un bulletin, plus un bulletin, ça fait des millions de bulletins, et ça fait qu'un type comme Hitler peut arriver au pouvoir, par les élections. Et le pire, c'est que tous les démocrates étaient avertis, en Allemagne et en Europe et ailleurs. Il avait écrit dans Mein Kampf qu'il prendrait le pouvoir par les armes de la démocratie et qu'il s'en servira ensuite pour détruire la démocratie. Une étrange omerta sur plusieurs incidents nucléaires. Voilà, alors le gendarme du nucléaire semble avoir pris quelques libertés avec la loi, lui demandant d'assurer une information du public transparente et fiable sur le moindre pépin atomique et dans des délais raisonnables. Ces derniers temps, l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, a mis discrètement au frigo, plusieurs mois durant, certaines infos un brin dérangeantes pour l'industrie nucléaire. Alors, il y en a comme ça une demi-page, pas de Vosges Matin, une demi-page du Canard Enchaîné. Oui, quand on voit le mot femme écrit, on pense, il y a le mot Dieu qui est pas loin. Deux regards de femme sur la politique. Sidet Ndiaye, j'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Aurait-elle déclaré, parce que c'est pas sûr qu'elle a dit ça, ou alors elle l'a dit pour plaisanter, ou en petit comité. Hein, ouais, ah ben voilà. Louise Michel déclare, il faut bien que la vérité monte des profondeurs du peuple, puisque d'en haut ne viennent que des mensonges. Ah, tiens. Heureusement qu'on a des radios libres pour dire des choses comme ça. Il faut bien que la vérité monte des profondeurs du peuple, puisque d'en haut ne viennent que des mensonges. Alors, le néolibéralisme démocraticide. La démocratie, c'est bien, c'est le peuple qui décide comment il sera gouverné. D'ailleurs, les exemples ne manquent pas. Macron ici, Trump là, là-bas, Salvini ailleurs, Orban plus loin, et encore Poutine, Erdogan, etc. Tous démocratiquement élus. De là à en conclure que les peuples sont stupides, il n'y a pas loin. On a le président que l'on mérite. Ou alors, les autres n'ont pas les diplômes requis pour la fonction. Ou encore, on le connaissait pas. C'est pourquoi on a voté pour lui. Si c'est ça la démocratie, merci. Merci beaucoup, je n'en veux pas. Je ne me rendrai pas complice d'une telle supercherie et j'attends un autre système politique plus efficace, plus solide, plus sérieux. Et c'est ainsi que dans la majeure partie de tous ces pays démocratiques, plus de la moitié des citoyens ont cessé de voter, laissant le champ libre à une nouvelle caste politique, les apprentis dictateurs. La vérité, c'est que le néolibéralisme est démocraticide. Il anéantit toute démarche idéologique au profit de la valeur argent. Tout ce qui échappe au marché n'existe pas. Tout ce qui n'est pas immédiatement rentable est à proscrire. C'est ainsi qu'un service public doit être bénéficiaire ou disparaître, que le budget d'une commune est une dépense publique, ou que pour les néolibéraux, un retraité ne travaille pas, donc la pension qu'il perçoit est une charge pour la nation. Dans leur mode de pensée, ils ne travaillent pas à valoriser le capital, ils ne produisent pas de plus-value, ils sont donc inutiles à notre système économique. Ce qui est bien évidemment faux, puisque les retraités gardent leurs petits-enfants, ils travaillent leur jardin, ils dirigent le club de basket, ils font du théâtre, du chant choral, et bientôt autre chose encore. N'en déplaise à ces penseurs néolibéraux, ils produisent de la valeur, beaucoup plus que ces gens dont la plus grande occupation consiste à réfléchir à la meilleure façon de placer son argent dans un paradis fiscal. Les retraités produisent de la richesse, mais ils ne valorisent pas le capital des néolibéraux. Il n'y a pas un événement, pas une action, pas un fait de notre société qui puisse se produire sans que la question sacrée soit posée. Combien ça coûte ? Même une élection coûte cher. Se faire élire devient hors de prix. Alors, on ne vous demande plus de voter pour des idées, mais pour des personnes, de préférence inconnues. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche mais la rage à dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons pleines tous les becs d'azur qui là-haut se promènent mais notre âge alors sera là. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime, vienne, vienne alors, vienne là. Dès que les hommes quittèrent le stade tribal pour se constituer en état, cité ou nation, la vengeance privée disparut au profit d'une répression sociale. L'État édictera des lois destinées à protéger les individus et leur transgression entraînera souvent la mort dans des cas bien définis. Depuis le Code d'Hammurabi, 1700 ans avant le Christ, les moyens utilisés par les collectivités humaines au cours des âges pour se protéger des criminels n'ont pas beaucoup varié. Souvent, en affirmant son autorité, l'État poussera très loin son souci de préserver l'ordre public. Au crime tout court, l'État ajoutera, et cela depuis la plus haute antiquité, le crime de lèse-majesté et le crime politique. La religion étant le ciment de l'unité nationale, l'État sanctionnera très sévèrement toute atteinte à la loi religieuse, souvent par la perte de la vie. Il y a un exemple éclatant de condamnation à la fois politique et religieuse, celle du Christ. Considéré comme hérétique par le Sanhédrin de Jérusalem, le Christ doit mourir. Mais dans la Judée placée sous la juridiction romaine, le seul crime que l'on peut imputer au Christ pour entraîner sa mort est le crime de lèse-majesté. Aussi, devant Pilate, le grand prêtre du temple fait-il accuser Jésus de s'être proclamé roi des Juifs. Et quiconque se fait roi se déclare contre César, affirment les accusateurs. C'est donc un ennemi de l'empereur que Pilate fait crucifier. En Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, l'administration de la peine capitale rivalisait en cruauté. L'expiation était lente, horrible, humiliante, atrocement douloureuse. En France, la suppression de la barbarie dans les exécutions date approximativement de la Révolution française. Le 31 mai 91, un projet de suppression de la peine de mort est refusé à l'Assemblée constituante, où Robespierre, qui compte parmi les plus ardents avocats de l'abolition, déclare que la peine de mort n'est pas la plus réprimante des peines et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle les prévient. Bien avant la discussion du code pénal, le 1er décembre 1789, le docteur Guillotin avait entretenu l'Assemblée d'une machine nouvelle avec laquelle il affirmait pouvoir faire sauter la tête d'un condamné en un clin d'œil sans la moindre souffrance. Par la suite, l'Assemblée hésita entre la potence, le garrot encore appliqué en Espagne, et la décollation. Les deux premières peines paraissant plus longues et cruelles, c'est finalement l'appareil suggéré par le docteur Guillotin qui fut choisi. Et, le 25 avril 1792, la guillotine entrait pour la première fois en action place de Grève. Les exécutions avaient lieu publiquement pour assurer la valeur exemplaire de la peine de mort. C'est en juin 1939, devant la prison de Saint-Pierre à Versailles, qu'eut lieu l'exécution de Wedman en place publique. Ce fut la dernière du genre. Toute une foule, en majorité composée de femmes, frémissait, se bousculait autour de la guillotine pour mieux voir mourir le ténébreux assassin. Le lendemain, la France frémit d'horreur devant cette photographie et le gouvernement prit la décision de supprimer définitivement ce spectacle morbide. Depuis, les exécutions ont lieu à l'intérieur des prisons. Entre 1950 et 1970, il a été procédé en France à 57 exécutions capitales, dont certaines comme celle de Jacques Fetch en 1957, qui tua un gardien de la paix et qui, selon son aumônier, mourut comme un saint, relancèrent dans la presse le débat toujours latent sur la peine de mort. En 1969, Jean-Laurent Olivier périssait sur l'échafaud dans la cour de la prison d'Amiens. Il avait, le 17 juin 67, étranglé et violé une fillette de 11 ans et tué son frère, âgé de 10 ans. L'exécution d'Olivier marque une date dans la peine de mort en France. Il est jusqu'à ce jour le dernier criminel à avoir été guillotiné. Depuis cette date, les condamnations à mort ont été commuées en prison à vie par le président de la République. En Europe occidentale, la France est avec l'Espagne le seul pays à pratiquer la peine de mort pour les crimes de droit commun. Aux USA, en Californie, Charles Manson, Leslie Van Houten et Susan Atkins, auteurs de l'horrible massacre de la Villa Polanski, viennent d'être condamnés à mort par le tribunal de Los Angeles. Si la sentence est exécutée, les criminels seront gazés. Mais par le jeu des révisions de procès, les trois condamnés peuvent attendre longtemps dans le terrible couloir de la mort qui conduit à la chambre à gaz et que Karel Chessman a rendu célèbre par les deux best-sellers qu'il écrivit dans l'attente de son exécution. Une attente qui dura 12 ans. Quand il entra dans la chambre à gaz en mai 1960, malgré les innombrables pétitions réclamant sa grâce, le monde entier s'émut et l'Osservatore Romano, dans son éditorial, écrivit « La profonde émotion suscitée par le cas Chessman exprime la répugnance de la conscience moderne contre l'idée de la peine de mort. L'homme élevé dans le christianisme souhaite que les égarés puissent être récupérés sans sentence irréparable. » Aujourd'hui, aux USA, une douzaine d'États ont aboli la peine de mort. Certains, en raison de la recrudescence de la criminalité, après l'avoir abolie, l'ont rétablie. Des crimes, cependant, même avec le recul du temps, restent difficilement pardonnables. Eichmann, qui orchestra le plus grand génocide de l'histoire contemporaine, fut jugé par le tribunal de Jérusalem et exécuté 20 ans après la guerre. Actuellement encore, dans certains pays du Moyen-Orient, la mutilation des voleurs est une pratique courante, alors qu'en Suède, les criminels vivent dans de confortables prisons. Les châtiments sont souvent à l'image des sociétés qui les décident. En ce domaine, la mansuétude semble être le privilège de sociétés pacifiques qui se sentent suffisamment saines, moralement et socialement, pour juguler la criminalité par d'autres moyens. Premier amour, près de l'usine à gaz. Premier rêve, près du vieux canal. Premier baiser, près de la raffinerie. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks, vu le pétrole mettre la nuit en feu, senti le printemps dans les fumées du vent. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town.